le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Fake news, infox, théorie du complot, historienne et historien en première ligne. Ah, les mensonges de l'histoire, mettons-y le masque de fer, la guerre de Vendée, la localisation d'Alésia, et pourquoi pas l'affaire Dreyfus et le 11 septembre. Mais face à ceux qui hurlent aux mensonges historiques, jamais historiennes et historiens vont en dire la vérité. Tout un combat, combat de première ligne, dans les médias bien sûr, dans les salles de classe aussi. Oui, oui, sur internet, beaucoup. Moi je suis un fan d'histoire. Comment ? Les pyramides qu'on voit là. Hein ? On nous cache tout, on nous dit rien. Au sommet, il y a de l'or. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Plus on apprend, plus on ne sait rien. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. On nous informe vraiment sur rien. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. C'était des foutues antennes. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? On nous cache tout, on nous dit rien. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. On nous informe. Et les historiens le savent. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ce serait pas plus mal, effectivement, quand Maître Gims rencontre Dutronc et Kaamelott, bien sûr. Bonjour Mathilde Larrère. Bonjour. Vous le saviez, vous ne l'avez pas dit, que les Égyptiens avaient de l'électricité. Ouais, bah oui, désolée. Non mais ici, toute la question qui se pose est celle du savoir de l'historien. D'ailleurs, on peut dire, connaissant les égos des historiens et des historiennes, personne n'irait dissimuler des choses pareilles pour pouvoir le publier un jour. La logique même de l'analyse est biaisée ici dans cette théorie du complot évoquée par Maître Gims. Non mais là, les bras m'en tombent, de toute façon. Cela dit, c'était drôle à écouter, hein, mais... On est quand même très très loin. Les pyramides électriques, ok, ouais. La 5G aussi, tant qu'à faire. Pourquoi pas ? La question ici qui se pose, c'est celle de la vérité et du mensonge. J'évoquais là, en ouvrant l'émission, que face à ceux, celles qui parlent de mensonges, jamais l'historienne va arriver en disant « voici la vérité historique ». C'est peut-être aussi là le déséquilibre dans l'argumentation. En fait, l'historien a un idéal de vérité, mais en même temps, il sait bien que le vrai, ça ne veut pas dire grand-chose d'une certaine façon. Donc, je pense surtout la différence, c'est des questions de méthode, c'est des questions pratiques, c'est des questions de savoir-faire, c'est des questions... voilà, on travaille sur des sources, on croise les sources, on analyse les sources, on réfléchit au biais des sources, on questionne l'historiographie, on regarde ce qu'ont lu les uns et les autres, les unes et les autres, donc... Il y a un tel écart, de toute façon, entre les deux méthodes. Mais Gims étant quand même le cas le plus extrême, là. Enfin, je pense pas qu'on se prenne vraiment le temps de s'amuser à expliquer que non, les pyramides ne sont pas faites pour servir de conducteurs électriques. C'est ça qu'il a dit, en gros. Comme quoi, j'ai même pas fait très, très attention à ces élucubrations. Puisqu'on reste dans du tronc. Oui, c'est joli. Belle référence, Catherine Rideau-Kikuchi. Bonjour. Bonjour. Malgré tout, toutes ces théories complètement biaisées d'une lecture historique se transmettent, alors principalement par les réseaux sociaux, on en voit beaucoup. À partir de quoi l'on peut saisir qu'ici, il y a tromperie ? Donc c'est l'absence de mention de source, déjà ? Oui, l'absence de mention de source, l'idée... L'idée d'un complot, en fait, c'est ça qui est assez frappant. Enfin, on n'arrive déjà pas toujours à se mettre d'accord entre nous. Alors, se mettre d'accord pour cacher des choses, ce serait quand même assez compliqué, quoi. Dès qu'il y a l'idée qu'il y a un complot d'historiens, en fait, c'est un red flag, quoi. C'est vraiment l'idée qu'on nous ment, mais en fait, comment on nous ment, comment on aurait les moyens de créer un complot pareil, ça, c'est pas très raisonnable, quoi. Mais la question de méthode et la question des sources, elle est primordiale, oui, ça c'est certain. Et le fait qu'on torde la documentation du passé, ça c'est quelque chose qui est assez significatif de ce type de discours. Christine Guimenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes confrontée, vous, dans vos salles de classe, à ces théories qui peuvent être évoquées. Alors, moi, j'ai beaucoup d'optimisme et je pense que nombreux qui reçoivent ça ont une certaine distance. Mais malgré tout, c'est diffusé. Oui et non. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est... alors, on a de la méconnaissance, des erreurs sémantiques, des élèves qui vont poser des questions parce qu'en fait, ils savent pas, ils ont besoin de savoir. De temps en temps, il y a des questions clivantes qui grattent un peu le professeur, mais il faut entrer dans la discussion pour savoir un petit peu où est-ce que l'élève a récupéré ses connaissances et pourquoi est-ce qu'il va dire ça. Un jour, il y en a une qui explique que le 11 septembre, ça n'a pas eu lieu, donc je lui ai demandé quelles étaient ses sources. Donc il y a eu un très gros blanc, on était en classe de terminale et puis ça s'est arrêté rapidement. Une question clivante aussi, parfois, c'est le génocide perpétré sur les Arméniens par les Turcs. Donc il y a quelques élèves qui ne veulent pas entendre que c'est un génocide. Maître Gims, je ne suis pas certaine que mes élèves vont forcément lui accorder beaucoup de crédit. Et le travail qu'on mène en classe, c'est à la fois de l'explicitation des sources, du croisement, là, comme disaient Mathilde et Catherine, leur faire comprendre aussi qu'on ne délivre pas une croyance ou une vérité, mais que l'histoire, c'est une sorte de chantier perpétuel et que nous-mêmes, qui sommes historiennes et qui travaillons sur des sujets de prédilection, qui enseignons l'histoire, on a, grâce aux recherches, grâce à tout ce qui est accompli, en fait, une sorte de réactivation, de précision, d'amélioration de nos connaissances. Et que c'est pas parce qu'à un moment donné, on avait quelque chose qui était assez peu précis, que c'était faux. Et que c'est justement l'empilement de la recherche qui permet d'avoir des connaissances plus fines, plus précises. Et ça, je pense que les élèves sont tout à fait capables de le comprendre. Christine Guimenet, vous enseignez au lycée Pissarro à Pontoise. Vous êtes secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Avec quelque chose que l'on ressent tous, c'est ça qui est très intéressant, hein, ce que ressent l'enseignant dans sa salle de classe, mais également dès que l'on circule un peu sur les réseaux sociaux. Ce que vous venez de dire, c'est très important aussi avec la bibliographie, c'est-à-dire l'actualisation un petit peu des paritions. Mathilde Arrère, je vais faire oui avec la tête, parce que il y a de ça aussi dans l'erreur de l'analyse historique volontaire ou involontaire, c'est la négation de tout ce travail pendant des décennies des historiens et des historiennes. Oui, de fait, enfin, c'est aussi pour ça que c'est une science extrêmement vivante et extrêmement plaisante à enseigner, à savoir qu'il faut actualiser les connaissances et c'est même assez drôle. Moi, ça m'arrive en cours d'expliquer aux étudiants sur une partie, sur un texte, par exemple, qu'à un moment, je pouvais expliquer comme ça. Et puis, entre-temps, des travaux ont été faits. Je pense, par exemple, à une requête des dames en 1791 qui, à un moment, été présenté comme un texte pré-féministe, très radical, parce que ça va jusqu'à demander, pas l'écriture inclusive, mais en tout cas la féminisation de la langue et que les femmes portent le pantalon. Et on a pu lire dans des textes anciens que c'était un texte très radical et on se rend compte qu'en fait, non, c'est un texte rédigé par des hommes pour avoir une version un peu outrancière et déconsidérer cette naissance d'une prise de conscience de l'égalité femmes-hommes. Et donc, je leur explique comment, bah voilà, il y a 15 ans, en s'appuyant là-dessus, on pouvait dire ça, et que grâce aux travaux, on dit maintenant que pas du tout, et on a réussi à établir que c'est plutôt dans l'histoire de l'antiféminisme que dans l'histoire du féminisme. Et en fait, ça les passionne, de toute façon, dès qu'on fait des cours d'historiographie, ça les passionne. Donc, je pense qu'il faut faire, enfin, en tout cas, à la fac, il faut leur faire confiance là-dessus, ça c'est clair. Oui, il faut faire confiance en l'intelligence de tous ceux qui peuvent écouter, avec l'idée qu'un livre d'histoire, alors, c'est pas qu'il se périme, mais il vieillit, il faut le recontextualiser. Catherine Rideau-Kikuchi, l'histoire, c'était pas une opinion, c'est une science, voilà, c'est un travail. Mais c'est vrai que le livre d'histoire, parce que bien souvent, il y a des références pour justifier ces théories un peu farfelues, mais s'appuie sur des livres d'histoire datés, ou alors avec une lecture complètement biaisée. Oui, alors il y a un peu de cas. Il y a les gens qui s'appuient sur des livres qui ne sont pas des livres d'histoire, justement qui ne se fondent pas sur une analyse critique de la documentation du passé, sur la méthode historique, etc. Bon, ça c'est une chose. Puis il y a les gens qui s'appuient effectivement sur une bibliographie qui est ultra datée et qui du coup nie le fait que, comme disait Mathilde, hein, que l'histoire évolue. Et que ça ne veut pas dire que c'était complètement faux ou complètement vrai maintenant ce qu'on dit, mais c'est juste que on regarde la documentation avec un œil nouveau, qu'on apprend de nouvelles choses, qu'on découvre parfois de nouvelles choses. Ça arrive encore, même aujourd'hui, même avec des siècles d'histoire derrière nous et d'historiographie derrière nous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université Versailles-Saint-Quentin. Ah ben oui, alors c'est sûr que pour le Moyen-Âge, là, il y a tant et tant de fantasmes, de relectures, et on le voit énormément aussi sur ces théories, parce qu'il faut toujours leur donner un peu d'ancienneté. Alors on remonte le plus loin possible. La période médiévale, c'est pas mal quand même pour ça, avec beaucoup de lectures fausses. Il y a pas mal de choses, oui. Il y a pas mal de choses sur les chevaliers, sur ces espèces de fantasmes d'un Moyen-Âge occidental complètement blanc, sans migration, sur la Reconquista plus récemment. Voilà, il y a énormément de choses qui font appel à à des grands récits qui clairement répondent à des questions des gens. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont du succès. Mais des grands récits en fait qui sont faux et qui présentent une image du Moyen-Âge qui est absolument fausse. Cette image du Moyen-Âge fausse, avec notamment ce que vous venez d'évoquer, c'est très d'actualité sur les réseaux, toute une réflexion sur la reconquête en Espagne, alors tellement important, avec, et faut bien écouter le vocabulaire utilisé, des choix très nets, des affirmations idéologiques qui se dissimulent comme ça dans la narration historique. Comme tout identitaire qui se respecte, j'associe immédiatement l'Espagne à une chose. L'Espagne, c'est la mère patrie de la reconquête. Au terme de mon périple, je peux le dire, j'ai trouvé le héros de référence qui nous servira de modèle. Ce mercenaire est un reconquérant d'un genre particulier. Il se bat pour la patrie en même temps qu'il se bat pour lui-même. Cette figure exceptionnelle de la Reconquista n'est même plus enseignée dans les programmes repentants de l'éducation nationale, alors qu'il incarne exactement ce dont nous manquons aujourd'hui. Le Cid incarne une synthèse originale, celle du mercenaire et de l'idéaliste. Plutôt que d'obéir à un roi tyrannique, il a préféré continuer de combattre pour gagner en puissance. Il ne se bat pas pour l'argent, mais pour sa propre vision du monde. Et difficile de ne pas s'identifier à ce personnage. Nous, les patriotes et identitaires, nous aimons profondément notre pays. Et tout ce que nous souhaitons, c'est de voir la France à la hauteur de son destin. Thaïs Discuffon qui a proposé cette lecture historique de la Reconquista avec, il faut être honnête dans sa proposition, elle n'avance pas masquée. Elle est porte-parole de génération identitaire, ouais. C'est pas masqué du tout. C'est-à-dire que l'ambition même ici est verbalisée. Mais pour le reste, historiquement, à peu près tout est faux. Oui. Alors, je précise tout de suite que moi, je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Et puis, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et en particulier un fil Twitter fait par Florian Besson sur la question. Actuel Moyen-Âge. Sur le compte d'Actuel Moyen-Âge. Alors, en fait, effectivement, elle n'avance pas masquée, mais probablement que l'une des principales choses qu'il faut reprendre, c'est la notion de patrie appliquée à l'Espagne de cette époque-là. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas d'Espagne unifiée à ce moment-là. Vous avez des royaumes chrétiens qui sont extrêmement divisés, et des royaumes chrétiens qui, d'ailleurs, parfois, peuvent momentanément s'allier avec d'autres pouvoirs musulmans, qui eux-mêmes ne sont pas forcément unifiés selon l'époque à laquelle on se place. Donc, il n'y a pas deux blocs, en fait, qui s'affrontent, en tout cas pas tout le temps. Et donc, l'idée d'avoir une patrie espagnole qui se battrait contre un pouvoir musulman unifié, lui aussi, est absolument fausse. Cette lecture-là, cependant, existe, mais comme objet historique, ça apparaît quand cette narration qui dit qu'il y a une reconquête par les royaumes chrétiens de l'Espagne musulmane? Ça apparaît assez tôt, ce discours, en fait. Hein, ça, c'est quelque chose qui est mobilisé dans les derniers siècles du Moyen-Âge, ce qui est beaucoup mobilisé par les Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon au moment de l'achèvement, on va dire, de leur point de vue, de cette reconquête avec la prise du royaume de Grenade. Donc là, il y a un discours qui est mobilisé, qui est très fort à ce moment-là, mais qui est particulièrement fort justement au moment où vous avez une première unification sous l'égide d'Isabelle et de Ferdinand. Avec l'anachronisme, hein, qui est aussi la clé de la méfiance, qui doit tout de suite éveiller, vous l'avez dit, cette notion de patrie, c'est très compliqué. La patrie appliquée à un siècle où la notion même n'existait pas. Mathilde Larrère, c'est ça aussi le danger et le support de toutes ces théories. Oui, de toute façon, l'anachronisme est un sport, hein, dans ce type de discours, alors, moi, je connais pas la situation, la question espagnole et reconquête, mais pour le cas français, l'idée d'une France éternelle, qu'on est prêt à voir naître avec nos ancêtres les Gaulois, donc, il y a cette idée qui est d'ailleurs à rebours de la démarche historique. La démarche historique cherche, certes, des continuités, mais aussi, justement, toutes les variations, toutes les évolutions, toutes les subtilités, alors que là, il y a une espèce de recherche qui est, et c'est le cas pour les identitaires, mais et de façon générale, pour en tout cas, toute cette utilisation et instrumentalisation de l'histoire par la fachosphère, l'impression que rien ne change, que la France a toujours été immuable, la même... Et donc un refus de voir l'évolution, ce qui fait ce qui est au cœur, au contraire, du travail de l'historien et de l'historienne, qui est de pister, comprendre, analyser, mesurer ces évolutions. D'où l'argument de dire que les historiens et les historiennes cachent les choses ou alors dissimulent par volonté idéologique de leur côté. Comme ça, ça permet de mettre de côté tous les travaux de l'historien. Ça, c'est surtout un gimmick, c'est-à-dire que dire « Ah là là, on nous cache tout, on ne dit rien », c'est tellement efficace dans les discours et faire croire que... Avec, à la fois, enfin, il y a aussi, on le voit dans l'extrait que vous avez passé, cette idée qu'on n'enseigne plus à l'école, on ne dit plus à l'école, cette attaque contre le récit scolaire. Il y a des choses à reprocher au programme scolaire et au récit scolaire de l'histoire. Mais depuis, ça fait maintenant presque 20-30 ans, depuis Decaux dans le Figaro, on n'enseigne plus l'histoire à vos enfants. Et à chaque fois, il suffit de sortir le programme ou le manuel pour dire « Alors non, en fait, Clovis et page machin et à tel endroit. Non, en fait, c'est là. » Donc ça, c'est épuisant parce que ça revient systématiquement et à chaque fois, c'est débunké, comme on dit. Et puis, ça revient le coup d'après, comme si on avait... pisser dans un violon. Oui, mais c'est ça la pédagogie, c'est répéter sans cesse, Christine Guimonnet. C'est un marronnier pénible, parce qu'en fait, s'il fallait faire la liste de tout ce qu'on, entre guillemets, n'enseigne pas, je pense qu'on sera encore là dans une semaine. Dans le travail qu'on mène avec les élèves, c'est important de leur faire comprendre que, justement, l'anachronisme, c'est un biais. On ne doit pas plaquer sur les événements du passé notre mode de raisonnement, nos mentalités. Que l'histoire, c'est aussi beaucoup de chemins de traverse et que nous avons certes des programmes enseignés, il y a des questions qu'on va creuser davantage que d'autres, on va partir aussi de ce qui intéresse les élèves pour voir un petit peu quels sont les chantiers qu'on va ouvrir et aussi leur expliquer que l'historien est là pour déconstruire un peu les mythologies et que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est mythologique que on est systématiquement dans le faux. Et je pense que l'histoire, on a une ressource qui est très importante pour permettre aux élèves de comprendre pourquoi, à certains moments, il y a de la fabrication du faux. Si on prend, par exemple, l'affaire Dreyfus, il y a le faux du colonel Henry. Si on prend l'histoire soviétique avec les fameuses photos là qui sont grattées, les ennemis de que Staline considère comme étant les siens, qui sont éliminés politiquement, physiquement, puis historiquement. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut mobiliser et la contextualisation, le prendre un texte et puis le peler un peu comme un oignon pour que l'élève comprenne que ce que peut dire un auteur à un moment T, c'est le reflet d'un contexte. Je me souviens très bien d'un texte d'histoire médiévale là, écrit par un auteur arabe donc qui vivait dans l'Espagne musulmane. Et j'essayais d'expliquer aux élèves, ou plutôt aussi de leur faire trouver ce qui pouvait être vrai dans le texte et ce qui pouvait être sujet à caution par rapport à la période à laquelle il écrivait. En fait, il parlait d'une Arabie unifiée et il écrivait au moment où justement l'islam était divisé. Et il fallait faire comprendre que ce qu'il écrivait, c'était le reflet de la situation historique dans laquelle se trouvait le monde arabo-islamique à l'époque. On en revient toujours au même, à la méthode. En fait, c'est ça, c'est la méthode des historiens et des historiennes. Ça reste une science humaine avec, et vous venez de l'évoquer, cet objet-là très particulier, cette fake news, devient même un objet historique. Mathilde Larrère, faut pas les rejeter en soi parce que historiens, historiennes peuvent se les approprier pour les étudier. Ah mais c'est un objet d'histoire même, c'est-à-dire que ça fait partie du travail des historiens et des historiennes de réfléchir à la façon dont par le passé comme par le présent on met en récit, en image, en spectacle l'histoire et à pourquoi ? À quoi ça sert, en fait ? C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, c'est souvent plus facile à le faire sur des instrumentalisations du passé que de au présent dire « bon, bah là, ça va pas, là, on est dans cette instrumentalisation ». Mais c'est très intéressant à travailler, oui. Il y en a plein, enfin, Il y a les légendes noires aussi, des personnages expliqués que... Dorés, d'ailleurs. Voilà, aussi que l'histoire des personnages s'écrit alors qu'ils sont encore en vie. Et que ceux qui écrivent sur Robespierre ou sur Catherine de Médicis peuvent avoir un intérêt à enjoliver ou à noircir le portrait. C'est un peu ce que vous expliquiez, Catherine Rideau-Kikuchi, c'est cette histoire-là, parce que c'est dans la nature même de la narration et par le passé déjà, d'inventer des choses. C'est le cas de la Reconquista, qui est un discours imaginé, mais déjà presque du temps des contemporains d'Isabelle de Castille, d'expliquer. Et toute l'histoire est construite de ça. Après, il faut savoir départir le vrai du faux. Oui, tout à fait. Alors justement, sur la Reconquista, faut bien comprendre que Isabelle et Ferdinand, c'est au XVe siècle, et c'est plusieurs siècles après le Cid dont on parle dans l'extrait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en fait, on plaque sur une longue période des choses qui sont absolument anachroniques. Mais cette idée de vouloir reconstruire l'histoire d'un royaume pour montrer à quel point en fait les choses changent mais ne changent pas vraiment parce que c'est toujours une domination éternelle d'une dynastie, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Moyen-Âge par exemple. Donc dès le XIIIe siècle, vous avez des historiographes stipendiés plus ou moins par les capétiens qui vont par exemple essayer de montrer la continuité entre les différentes dynasties. Donc vous savez ce qu'on apprend à l'école, hein, la France a été dirigée d'abord par les Mérovingiens, puis par les Carolingiens, puis par les capétiens. En fait ça vient du XIIIe siècle, et on fabrique une continuité, ils essayent très fort de fabriquer une continuité qui en fait ne fonctionne pas, il y a de vraies ruptures dynastiques. Mais tout ça vise à montrer qu'en fait c'est toujours la même famille qui gouverne le même territoire, même si dans les faits c'est tout à fait faux. Cette belle continuité qui nous plaît beaucoup à observer, à étudier en tant qu'objet d'analyse, avec évidemment mais des cavalcades folles, des chevaliers, des combats, des capes, des épées, c'est génial. À 60 km de Nantes, entre Cholet et Pouzauges, en plein cœur du haut bocage vendéen, rejoignons au pied de son étrange château un homme qui s'est merveilleusement fait revivre un souvenir impressionniste du passé et du patrimoine de la Vendée. Avec un merveilleux don de soi-même et l'aide totale et bénévole de toute la population des 11 communes environnantes, Philippe de Villiers, lui-même de souche vendéenne, avec une foi inébranlable, assure pour une deuxième saison d'été consécutive le succès de son spectacle d'art et d'histoire intitulé « Ce soir, la Vendée ». L'originalité du spectacle tient à ce que nous n'avons pas cherché à raconter l'histoire du château du Puy-du-Fou, encore moins l'histoire de ses propriétaires successifs, mais bien au contraire, à travers la toile de fond du château, au-delà de la pièce d'eau, de raconter l'histoire du pays du Puy-du-Fou, c'est-à-dire d'une population et d'un territoire. En 1979, présentation du parc d'attractions du Puy-du-Fou, avec en écho cet ouvrage, mais qu'est-ce que c'est taquin, Le Puy-du-Fou, F-A-U-X, par Florian Besson, donc actuel Moyen-Âge, Pauline Ducret, Guillaume Lancereau et vous, Mathilde Larère, enquête sur un parc qui déforme l'histoire. Alors, là aussi, c'est très intéressant, dans cet ouvrage, publié aux Arènes, le mot c'est « enquête ». Parce que c'est de l'histoire. Vous utilisez ce parc d'attractions comme un objet historique à étudier pour essayer de comprendre sa narration de l'histoire mise en abîme. Oui, et puis on a travaillé en scientifique. C'est-à-dire que d'abord, on a fait une enquête sur le terrain. On y est allé à quatre. Parce que comme le Puy du Fou, je dis toujours du Fou maintenant. Le Puy du Fou a un arc chronologique assez large. Ça commence avec des spectacles gallo-romains et ça va... Pour ce qui est des spectacles à la guerre de 14-18 et pour la Cinécénie jusqu'à la guerre de 39-45. Donc voilà, on avait une antiquisante, un médiéviste, un moderniste et une contemporainiste. On a en amont lu toute la documentation qui était possible sur le parc. On a lu d'ailleurs les travaux de d'autres historiens qui avant nous avaient travaillé sur cette question. Michel Beauvel, Jean-Clément Martin, Guillaume Mazot, Aurore Chéry. Donc voilà, on a fait un travail. Sur place, on a regardé à la fois les spectacles, les productions du Puy du Fou, que ce soit les vidéos. On a travaillé en historien, on a regardé tout un tas de sources, on a discuté entre nous, on a consulté des collègues sur certains points quand on n'était pas complètement, enfin quand on hésitait, quand on voulait avoir des conseils. Donc on a vraiment fait effectivement une enquête, ouais. Et puis un beau spectacle, faut le dire quand même, c'est très impressionnant à voir ce Puy du Fou. C'est du grand spectacle. Oui, c'est du grand spectacle. On était partagés, hein, on était pas tous d'accord sur disons que les feux d'artifice et les cavalcades ne nous plaisaient pas à tous de la même façon. Mais objectivement, de toute façon, il y a énormément de moyens, donc ça fonctionne. Très bien, moi, je n'ai rien contre le fait que les gens prennent plaisir à voir des spectacles de voltige. La question est non seulement le discours qui est tenu sur l'histoire, mais l'utilisation politique de ce discours, une utilisation politique dont De Villiers lui-même se revendique et qu'il assume, alors qu'il envisageait de se présenter à la présidentielle et que finalement il renonce. Il dit dans une interview qu'il a fait passer plus d'idées par son parc que en restant, comme il le dit, la dernière, je ne sais plus, c'est sauterelle ou grenouille ou écrevisse dans la bassine. Mais voilà, il a conscience de participer à une bataille culturelle avec le Puy du Fou. Et donc, on agissait à la fois comme historien et historienne, mais aussi comme citoyen et citoyenne face à cette instrumentalisation politique de l'histoire qui mobilise les historiens. Je vous rappelle la création en 2006 du comité de vigilance face aux usages de l'histoire qui a fait un travail, qui continue à faire un travail important pour regarder ces usages politiques, publics et politiques de l'histoire. Oui, parce que l'histoire est partout, nous le sentons bien. Hein. Dès qu'il y a une prise de parole politique, l'histoire est partout. Christine Guimonet, ça revient sans cesse. On vous pose la question en tant qu'enseignante d'histoire géo. Les élèves qui suivent l'actualité font référence à ces petites allusions historiques au Puy du Fou, à la guerre de Vendée, très rarement. Dans mon lycée, il y a un certain nombre d'élèves dont les parents viennent de l'ancien espace soviétique, et c'est vrai qu'ils ont posé pas mal de questions quand il y a eu le début de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et une élève me disait, madame, mais moi c'est compliqué parce que j'ai une partie de ma famille qui est française, une autre qui est russe, j'entends deux discours. Donc nous, on est là aussi pour apaiser, pour poser les choses, contextualiser. Donc on sort nos cartes, on travaille posément, on sort nos sources. Et je pense que personne chez mes collègues ne me démentira en expliquant à chaque fois le sens des mots, que les mots sont primordiaux dans la compréhension qu'on a des phénomènes, et que les élèves sont là pour comprendre aussi que l'histoire, c'est un emboîtement de processus, et qu'il faut arriver à leur faire comprendre tout ce qui se cache derrière, qu'un discours politique, comme celui de Vladimir Poutine aujourd'hui, a ses racines dans le passé, et qu'il faut à chaque fois décrypter de manière à ce que ce qui peut être confus, ce qui peut être biaisé, ce qui peut être amalgamé devienne clair. Parce que dans les fake news, les infox qui concernent l'histoire, il y a l'erreur. Mais ça, presque envie de dire, ça se pardonne, il y a une erreur, et puis il suffit de rencontrer un enseignant, une enseignante, ou n'importe qui d'ailleurs, qui apporte la correction. Là, ce dont nous parlons, que ce soit dans le cas de Vladimir Poutine, à une toute autre échelle bien sûr, avec le Puy du Fou, c'est consciemment d'utiliser une narration particulière du passé. C'est en cela que ça demande beaucoup plus de vigilance. Oui, c'est une utilisation du passé au service des haines du présent. Et c'est ça qui fait que on intervient. Et c'était la même chose quand on a fait donc avec Catherine et je crois qu'on était une quinzaine d'historiens et d'historiennes le tract aux éditions Gallimard contre Zemmour. C'est-à-dire que la question est pas, on n'intervient pas en historien avec dans le dos écrit Université française en mode il n'y a que nous qui avons le droit de parler de l'histoire, c'est notre précaré et personne d'autre n'a le droit de parler de l'histoire. La question n'est pas là, tout le monde a le droit de parler de l'histoire et il y a zéro problème. Mais il ne s'agit pas de dire absolument n'importe quoi et on est en droit aussi d'analyser et donc de critiquer, hein, mais au sens complet du terme critique, ces instrumentalisations au service de discours idéologiques. Et c'est ce que l'on a fait dans le cas du Puy du Fou, ce que Nicolas Vert fait pour Poutine. Hein. Il y a aussi un livre très intéressant de cet auteur sur la façon dont Poutine manipule l'histoire. Il y a plein de travaux sur la façon dont Maudit manipule l'histoire en Inde. Enfin, c'est le travail des historiens et des historiennes de le faire. Il y a justement des questions dans nos programmes qui nous permettent de travailler ces questions-là. Moi, à GGSP, il y a une question sur État et religion en Inde, donc elle est très en prise sur l'actualité. et plutôt que de laisser tout le temps penser que les élèves ne sont pas informés, il faut les questionner, il faut être dans le débat, dans l'échange, pour voir un petit peu comment ils s'informent, quelle est la source de leur information, parce qu'ils sont aussi dans une période, contrairement à la nôtre quand nous étions au lycée, où il y a une volatilité de l'information qui est permanente. Ce qui fait qu'une information chasse l'autre, et quand on leur demande... De temps en temps, on peut faire des petits focus actualité. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité internationale dans la semaine passée? On voit, en fonction des réponses, est-ce qu'ils écoutent les informations? Est-ce qu'ils écoutent la radio? Il y en a qui ont appris à écouter la radio depuis qu'il y a la spécialité à GGSP. Oui, voilà. Alors, cette spécialité, vous pouvez préciser ce que c'est? Alors, c'est une spécialité dans la réforme du lycée qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques. Qui se travaille en première et en terminale, 4 heures en première et 6 heures en terminale, avec des thèmes qui sont assez vastes et qui permettent de prendre du temps, de multiplier les approches, de faire en sorte que les élèves mettent la main à la pâte, ils peuvent faire des exposés, de la recherche. Bon, il y a beaucoup de choses, c'est très touffu, donc il faut de temps en temps faire un petit peu le tri pour qu'ils ne soient pas noyés, mais il y a des questions qui sont quand même très très intéressantes et qui peuvent leur permettre de remonter dans le passé. En fait, on va tirer des fils et il faut pas avoir peur de dire aux élèves que nous-mêmes, en tant que professeurs, en tant qu'historiens, il y a des moments où on pensait savoir certaines choses et que, en lisant, notre savoir s'est amélioré. Je leur donne souvent comme exemple le livre de Jérémy Foy sur la Saint-Barthélemy. Donc j'ai appris, moi, que avec les sources qu'il avait utilisées, il y a la grande majorité de la population protestante qui a été tuée par les voisins. Et ça, c'est un progrès dans l'historiographie qui est fondamental. Oui, Jérémy Foy a travaillé sur des sources qui n'étaient pas encore étudiées. En fait, il a recherché plus le parcours de ces tueurs, mais au plus bas et non pas de ceux qui commandaient. Et c'est vrai que cette histoire-là est passionnante, avec quand même, Catherine Rideau-Kikuchi, la nécessité sans cesse de déconstruire des représentations. Vous devez sans cesse être confronté à ça. Chacun, on se trimballe avec nos représentations, mais qui sont renforcées par la fréquentation de ce qui peut paraître des fausses informations, bien souvent. Oui, alors, dans votre question, je vois un peu deux choses. Il y a déjà la manière dont nous, on se positionne comme enseignants et enseignantes. Alors, dans le secondaire particulièrement, mais aussi dans le supérieur, je pense qu'en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le but n'est pas d'asséner une vérité, de dire, voilà, ce que vous avez cru jusqu'à présent, c'est faux, et voilà ce qu'il faut croire maintenant. Le but, c'est vraiment pas ça, et je pense que tous et toutes ici, on considère que notre rôle, c'est davantage de donner des outils pour que les élèves ou les étudiants puissent ensuite comprendre, essayer de critiquer par eux-mêmes les discours qu'ils peuvent entendre, et éventuellement, après, s'ils continuent à l'université, construire eux-mêmes un discours historique. Donc ça, c'est la partie enseignante. Pour la partie recherche, effectivement, on doit soi-même déconstruire nos propres idées préconçues, ce qu'on appelle parfois des prénotions, donc les choses qu'on a en tête toutes, politiquement, socialement, culturellement, voilà. Et ça fait partie du travail de l'historien ou de l'historienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout d'un coup considérer que les historiens et historiennes doivent être des espèces d'êtres éthérés, absolument neutres, absents, détachés de toute passion politique. Je pense que c'est très différent. Au contraire, il faut prendre conscience de ses propres prénotions, de ses propres biais ou de ses propres opinions. Éventuellement de les mettre à distance, de faire un travail réflexif sur tout ça, pour pouvoir ensuite aborder la documentation, et on en revient toujours là, avec... Les sources avec le plus d'honnêteté. Moi, je préfère le terme d'honnêteté à celui d'objectivité, parce que c'est vraiment une question d'honnêteté. C'est un acte militant, mais pas militant politique, militant de chercheurs, de chercheuses, d'historiens, d'historiennes, qui a la connaissance, ou en tout cas la formation de cette maîtrise des sources que vous venez d'évoquer, Mathilde Larrère, de la confrontation des sources. C'est en cela que la réponse à ces mensonges et théories du complot, c'est militant, mais du point de vue du scientifique, de la scientifique. Oui, mais on peut dire que c'est civique aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est-à-dire que... on en a beaucoup discuté au moment de la sortie du Puy du Fou, au moment de la sortie de Zemmour contre l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, en tant qu'historien et historienne, il nous a semblé que cela relevait de notre mission, de ce pourquoi on était d'ailleurs payé, hein. On est payé par les impôts, donc ça faisait partie de notre travail de dire bon, bah là non, en fait, là c'est pas possible, là il nous faut rétablir un certain nombre de choses, analyser un certain nombre de discours et dénoncer une instrumentalisation qui nous semblait dangereuse du passé. Donc sans aller jusqu'au militantisme, hein, qui est à tort, je trouve, connoté parfois négativement, parce qu'au bout du compte, c'est bien d'être militant. Enfin, la démocratie vit du fait que des gens sont militants et continuent à s'engager une fois qu'ils ont déposé un bulletin dans l'urne. Mais sans cela, c'est-à-dire que quand on a... Enfin, je parle de ces deux ouvrages, mais il y en a plein d'autres. On le fait avec un sens civique et aussi, finalement, un sens, la conscience de notre rôle comme fonctionnaire de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. C'est très important de le faire, mais ce n'est pas facile. Vous connaissez la loi de Brandolini ? France Culture. Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Le cours de l'histoire. Il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est prenez-les, une bêtise. Prenez-les. Xavier Mauduit. Voilà, Jean-Marc Jancovici sur Brandolini, BFM. Brandolini, ça s'appelle ? Oui, voilà, la loi de Brandolini. On l'aime beaucoup, cette loi de Brandolini. Bah, allez, oui. C'est beaucoup plus long de rétablir une vérité que de dire un mensonge. C'est ce à quoi l'on assiste sur les réseaux sociaux. On le voit bien, Catherine Rideau-Kikuchi, vous avez participé à Actuel Moyen-Âge, que ce soit à un moment sur les réseaux sociaux ou dans les publications. Entre un tweet en quelques signes et un long fil pour démonter ce tweet, alors déjà, c'est pas la même énergie, ça demande beaucoup de travail. C'est très long à démentir une fake news. Oui, c'est long et puis ça demande beaucoup de prudence aussi. Et parfois on fait des erreurs et parfois c'est voilà, on se rend compte après coup qu'on aurait dû formuler les choses différemment, mais parce que très vite les choses peuvent se retourner dès qu'il y a une formulation un peu maladroite. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de prudence. Souvent, alors quand je le faisais avec Florian Besson, et aujourd'hui c'est essentiellement Florian Besson qui le fait seul sur Twitter, mais on se relie beaucoup. Et lui-même aujourd'hui fait beaucoup relire aussi pour être certain, enfin certain, on n'est jamais certain, mais pour essayer de limiter en tout cas les erreurs, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, et puis les maladresses parfois aussi, quoi. Donc non, cette loi, elle est très juste, et ça nécessite aussi pour les gens du coup plus d'attention de lire ces corrections et ces démentis. Mathilde Larrère. Elle est d'autant plus juste dans le spectacle médiatique. C'est-à-dire que dans d'autres arènes, quelqu'un qui dit une bêtise en une fake news ou en 5 secondes est celui qui ou celle qui va justement la déconstruire, l'analyser, peut-être la recontextualiser, aller chercher ses origines. Ça va passer très bien. En cours, ça passe très bien. Le problème, c'est le spectacle médiatique. C'est la plupart de ces émissions qui recherchent la punchline. C'est ça qui est difficile. C'est aussi pour ça que un certain nombre d'historiens et d'historiennes se refusent à affronter Zemmour notamment, mais d'autres aussi sur les plateaux, parce que en fait, de toute façon, le spectacle est fait pour que l'on perde. Donc, mais en revanche, sur Twitter, c'est pas si évident, parce qu'au bout du compte, l'explication longue intéresse aussi, permet d'apprendre des choses. Moi, je lis quasi systématiquement le travail d'Actuel Moyen-Âge ou d'autres. André Leuze aussi fait très souvent ce travail de débunker. Nicolas Offenstadt, enfin il y en a beaucoup qui le font et c'est très très intéressant de le lire. Et finalement, bah, vous allez dire que je ne suis pas représentative, mais je suis pas si sûre que ça. Les gens aiment bien qu'on prenne le temps de leur expliquer des choses, mais c'est sûr que c'est pas le plateau de CNews. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est adapter le discours aussi pour Twitter et pour une salle de classe. Hein. Christine Guimonet, c'est aussi très important pour cette transmission, parce que c'est juste ça dont il s'agit. Parce qu'en fait, on doit être de plus en plus précis et de plus en plus savant. C'est pour ça que notre formation continue et l'association des professeurs d'histoire-géographie prend toute sa part avec les cafés, avec les fenêtres sur cours. Il faut qu'on puisse répondre aux questions des élèves, qu'elles nous dérangent ou pas, et leur donner aussi une éducation à ce que je vais appeler un usage qui va favoriser la connaissance durable et un usage réfléchi et intelligent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, on est là pour apporter des savoirs et pas une myriade de vérités alternatives. Et les réseaux sociaux, quand il y a des fils sur une thématique en particulier, que ce soit les fils de Florian ou les fils de Mathilde, que j'ai déjà utilisé, leur intérêt, c'est qu'ils sont pleins de documents, de cartes, qu'on va pouvoir récupérer, réutiliser dans les cours. Et on peut très bien utiliser un fil Twitter comme complément de travail en classe. On peut les mettre en rapport avec une thématique qu'on travaille, avec des documents, et laisser les élèves dérouler le fil, prendre des notes. Est-ce que ce qui est écrit là, ça se vérifie par rapport à ce qu'on a vu en cours, qu'ils arrivent à croiser les informations? Parce que Twitter, finalement, pour nous qui en sommes des usagers, c'est un partage de savoir. C'est là où on diffuse et on récupère de la connaissance. Et on a une forme de vigilance aussi par rapport à l'aspect un peu obscur de ce réseau, où on a une multiplication de fake news. Et justement, quand on travaille sur les médias, on peut faire comprendre aux élèves que les algorithmes, ils peuvent les voir. Quand ils vont regarder des tweets sur les théories du complot, il y a très très vite une espèce de coagulation de... On a les anti-vax, on a les pro-Poutine, on a les pro-Trump, la vérité alternative, on vous ment, on vous cache tout, on vous dit rien. Et ça, ils le comprennent très vite. Bon, par contre, il faut un petit peu de temps pour pouvoir s'y pencher de manière efficace. C'est toujours la loi de Bandolini. Hein. Il faut passer du temps pour essayer de casser ces mensonges, ce qui n'est pas simple aussi. Avec, malgré tout, alors, il y a deux éléments. La répétition de ces fake news, c'est le phénomène de génération. C'est-à-dire que les nouveaux qui arrivent, le travail est à refaire tout le temps. Mais elles existent, elles sont là. Donc, il y a un intérêt. Dans le cas du Puy du Faux, et je reprends l'ouvrage auquel vous avez contribué, Mathilde Larère, on voit bien l'ambition derrière politique, vous nous l'avez dit, une vraie ambition politique, voire électoraliste aux origines. Mais dans le cas de Maître Gims, qui parle de ces pyramides avec de l'électricité, on est aussi sur des formes de recherche, peut-être de questionnement d'origine, d'histoire et d'identité. Oui, alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, les historiens ou les historiennes, on joue toujours le mauvais rôle en disant c'est plus compliqué. Mais en fait, le ressort, à mon avis, de beaucoup de ces discours, c'est la recherche d'un grand récit. D'un grand récit qui produise des réponses relativement simples à des questionnements que un certain nombre de personnes peuvent avoir. Alors Gims, c'est vraiment le cas le plus extrême, mais en fait, des gens ont bien montré que c'était un discours qui se ralliait à un discours panafricaniste. Voilà. C'est pareil dans la fachosphère sur le grand récit national. Donc il y a vraiment cette recherche d'un grand discours dans lequel l'histoire, dans lequel les gens cherchent à faire rentrer l'histoire à toute force, quitte à dire soit des choses qui sont plus compliquées que ça, soit à dire des choses fausses et des mensonges que les gens utilisent de façon consciente. Quoi. Je suis pas certaine que tout le monde est conscient que c'est des mensonges, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auto-persuasion aussi là-dedans. Mais en tout cas, l'idée que l'histoire se plie d'une certaine manière à une forme de grand récit identitaire, quel qu'il soit. Catherine Rideau-Kikuchi, dans ce grand récit identitaire que vous évoquez, bien sûr, on pense à la fachosphère, vous avez évoqué le panafricanisme aussi. En fait, tout ça, c'est très différent. Hein. Le récit, le fonctionnement reste le même. Je voudrais qu'on précise juste quelle est la différence entre tout ce qu'on évoque et ce qui est couvert par les mots de révisionnisme, négationnisme. On est sur autre chose, là, Mathilde Larère. Oui, non, mais le négationnisme, c'est quelque chose... Enfin, voilà, quand on parle de négationnisme, c'est tout. tout le courant qui a conduit à nier l'existence des chambres à gaz et qui à un moment a pu avoir même sa place à l'université avant que ça n'en sorte et qui est désormais condamné pénalement. Donc vraiment le négationnisme c'est ça. Le révisionnisme c'est compliqué parce que on l'a dit au début, l'histoire se révise hein, finalement et c'est heureux d'une certaine façon parce que, comme on l'a déjà dit, découverte de nouvelles sources, questions nouvelles. Hein, on dit tout le temps que l'on pose au passé, l'historien et l'historienne posent au passé des questions qu'ils posent du présent. Donc désormais, on pose des questions beaucoup plus en histoire environnementale. On s'est mis, maintenant il y a plus quelques décennies, à s'interroger plus sur la place des femmes qu'on ne pouvait le faire au préalable. Donc il est normal que comme on est dans un présent qui nous pousse à nous poser des questions, on interroge le passé et donc on va trouver des sources qui vont nous permettre de le traiter. Et là, d'une certaine façon, l'histoire se révise. Et c'est pour ça que le terme de négationnisme, c'est vraiment autre chose. Hein. Négationnisme, c'est le refus de reconnaître l'existence des chambres à gaz. Et ça, c'est là, on est plus du tout dans la même catégorie. Quoi. Mais Internet, justement, ça permet aux élèves de comprendre ce que c'est. Parce que c'est essentiellement sur Internet que se trouve le négationnisme. Lorsqu'un élève fait des recherches sur la Shoah, il a beaucoup de risques de tomber sur une vidéo YouTube négationniste. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ligne, donc il faut pouvoir, si jamais il nous en parle, expliquer ce que c'est. Et quand ils sont dans une démarche de recherche, être vigilant et les prévenir de ce qu'ils peuvent trouver et pourquoi c'est faux. Et si on revient à ce que prétendait Éric Zemmour, en terminale, l'histoire c'est très simple. Hein. Lorsqu'il explique que Pétain a sauvé les Juifs, il suffit de mettre sur la table un certain nombre d'archives pour démontrer que c'est faux. Et les élèves comprennent très bien. Et toujours ce pari sur l'intelligence des élèves, mais pas que des élèves, de tout le monde, citoyens, citoyennes. Il suffit d'expliquer de manière posée, raisonnée, avec de la nuance, peut-être un peu avec de la complexité. Alors on parle de beaucoup de mots en isme, mais il y en a un qui est très bien dans ces fake news, moi il me plaît énormément. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le récentisme. La version de l'histoire d'avant le XVIIe siècle qui existe aujourd'hui est terriblement déformée. Ces erreurs ont été commises par des chroniqueurs du XVIe, XVIIIe siècle. De plus, à côté des erreurs involontaires, on a commis des grosses déformations, limite des falsifications. Finalement, nous avons réussi à restaurer la vraie histoire de l'époque d'avant le XVIIe siècle. La campagne de la création de la fausse version historique a duré dans certains cas même jusqu'au XIXe siècle. Certaines grosses déformations de l'ancienne histoire ont été réalisées même au XXe siècle. Alors, présentation de ce phénomène formidable, le récentisme. Nous étions en 2003 quand il y avait cette narration d'Anatoli Fomenko. Catherine Rideau-Kikuchi, vous vous posez pour le récentisme parce que j'oserais à peine expliquer ce que c'est. Vous tentez le coup? Oui, je peux essayer. Alors, c'est une théorie qui est née en Russie et puis qui s'est diffusée ensuite en Europe, selon laquelle au XVIIe siècle, l'Église et en particulier certains auteurs membres du clergé, de grands prélats ecclésiastiques, auraient falsifié l'histoire et ou en fait auraient créé une nouvelle période. Et alors il y a différentes versions, si j'ai tout bien suivi, mais soit c'est l'Antiquité qui a une création de la fin du Moyen Âge, soit c'est le Moyen Âge qui a une création du XVIIe siècle. Enfin voilà, il y a un peu. Mais en tout cas, au XVIIe siècle, on aurait en fait créé des sources. Et pour inventer une nouvelle période. Et donc, voilà, en fait, l'histoire est beaucoup plus courte. Enfin, le truc de base, c'est que la chronologie est en fait beaucoup plus courte que ce qu'on nous apprend. Parce que, évidemment, il y a une justification idéologique derrière. Le but, a priori, pour ces auteurs du XVIIe siècle, aurait été de justifier la domination de l'Église. Donc, c'est un grand complot, en fait, mené par l'Église catholique pour justifier sa domination pluriséculaire, etc. Et dans ce cadre-là, ils ont construit des bâtiments qui seraient les pyramides, etc. Tout ça daterait du XVIIe siècle. Je ne sais pas s'ils ont construit les pyramides, mais par exemple, ils auraient vraiment créé des manuscrits, par exemple. Tout ça sont des forgeries, enfin des falsifications, quoi. Mais c'est bien, ça nous simplifie la tâche. Si finalement, ma période n'existe pas. C'est... Exactement, vu que vous enseignez l'histoire médiévale, Catherine Rideau-Kikuchi, pour vous, c'est terminé. Vous, Mathilde Larelle, vous enseignez à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Alors, vous, c'est mieux parce que plus contemporanéiste, donc dans cette lecture récentiste, c'est bon, vous existez. Oui, j'existe, c'est bon. Comment on peut contrer toutes ces affabulations? On l'entend et c'est tout ce que vous avez dit. C'est la méthode, la pédagogie, la répétition. Ça... Renvoyer au livre. Renvoyer au livre. La formation continue. Le fait de la première formation d'un professeur, c'est la lecture. La lecture, lire des articles, lire des livres, lire des synthèses, écouter la radio, parce qu'il y a plein d'émissions de radio qui sont historiquement virevoltantes. Regarder des vidéos. Parce qu'il y en a de très bonne qualité. Voilà, exactement. Il y a des documentaires de très bonne qualité à la télévision. Pour faire travailler les élèves, il y a « Quand l'histoire fait date » de Patrick Boucheron. Ça marche très bien. Sur Arte. Voilà, sur Arte, exactement. Il y a plein de petites ressources qu'on peut avoir. Et comme notre thème du jour, là, c'est les infox, je voulais juste dire quelques mots du prix Samuel Paty, puisque le thème qu'on a choisi cette année de proposer aux élèves, c'est les infox. Quel danger pour la démocratie, point d'interrogation. Là, les projets et les travaux des élèves sont en train de rentrer. Et je dis à mes collègues qui se sont engagés dans le prix avec leur classe toute mon admiration, parce que parfois c'est difficile et j'ai pu voir parmi les projets qui sont envoyés, c'est très varié, c'est très diversifié, il y a beaucoup de travail, beaucoup de support et on sent vraiment que ça les a intéressés et qu'ils sont tout à fait capables, de la cinquième pour les élèves les plus jeunes jusqu'à la terminale, de s'emparer d'un sujet aussi important, aussi clivant et de construire quelque chose d'intelligent. Et toujours dans cette recherche de lutte contre les infox, les fake news, ces théories du complot, Catherine Rideau-Kikuchi, il y a la vigilance sans cesse. C'est pour ça que quand Maître Gims, par exemple, entre autres et parmi tant d'autres, poste des théories complètement farfelues, faut pas baisser les bras et dire « Oh, c'est rien, ça !» comme un mépris, et presque un mépris social. Non, non, faut être dessus et corriger, expliquer à ceux qui peuvent tomber sur cette info. Oui, alors je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça, parce que justement, moi, je suis moins sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez quitté un peu les réseaux sociaux? Parce que j'avais fini par trouver qu'on parlait beaucoup dans le vide et que la violence des réactions ne valait pas forcément l'énergie qu'on y mettait. Mais par ailleurs, voilà, il y a beaucoup de collègues, notamment ici présents, qui continuent à y être et qui à faire un travail formidable. Donc voilà, c'est une opinion tout à fait personnelle. Mais si je peux juste revenir sur un point qui n'est pas directement lié à la question que vous me posiez, mais pour comment est-ce qu'on peut lutter contre les infox? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire en cours, qu'on peut faire en tant qu'historien, qu'historienne, dans les publications, l'investissement, dans la diffusion, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de fond. Pour préparer cette émission, je lisais un article d'Arnaud Fossier qui est paru récemment dans la revue Zilzel, je vais y arriver, dont la conclusion me semble vraiment pertinente, parce qu'il disait que le problème de toutes ces réutilisations de l'histoire, c'est que c'est de l'histoire utilisée par des intérêts privés. Et que justement, le grand intérêt de la recherche publique, c'est d'avoir un discours sur l'histoire qui puisse être contrôlé et vérifié par les pairs en permanence. On n'en a pas parlé, mais toute cette méthode dont on a parlé, c'est aussi parce qu'il y a un contrôle permanent sur les pairs. On est évalué en permanence. Et on travaille collectivement beaucoup. Et dans un cadre qui est la recherche publique, qui est donc détachée des intérêts privés. Et ça, c'est mis en péril ces dernières années par un manque de financement criant dans les universités et dans les instituts de recherche. Donc il y a aussi cette dimension-là institutionnelle pour lutter en fait contre toutes les infox dont on a parlé. La demande sociale d'histoire est extrêmement forte. Et c'est heureux. Voilà, et c'est pour ça qu'on doit pouvoir répondre de manière raisonnée, argumentée. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des influenceurs que les influenceurs peuvent avoir sur les élèves. Parce que j'ai pu remarquer que des élèves avaient connaissance d'influenceuses comme Nathalie Homme, par exemple. Mais il faut qu'ils puissent bien comprendre ce qui se cache derrière. Et c'est ça, c'est toujours cette information, cette méthode et cette vigilance, Mathilde Larère, ne jamais baisser les bras et dire « Allez, c'est rien, ça va passer, faut revenir sans cesse au combat, historien, historienne en première ligne ».